Donc même pour les fanatiques des deux roues, il y en aura aussi. Il y a aussi des possibilités de rouler, en tout cas de faire des baptêmes de circuit. Le circuit est ouvert à tous les véhicules italiens qui peuvent venir dans le paddock. Nous avons une parade sur le temps de midi qui est ouverte également à toutes les voitures italiennes. Et alors il y a des sessions plus rapides qui sont disséminées tout au long de la journée pour ceux qui voudraient avoir une conduite un peu plus sportive. Alors vi aspettiamo questa domenica a Spa Francorchamps per Spa Italia. Voilà, et le Spa Italia, c'est de 9h à 18h aujourd'hui sur le circuit de Spa Francorchamps. Merci de nous suivre. Tout de suite, c'est le journal de 9h suivi des Enfants de cœur. Bon dimanche, il est exactement 9h. Les amateurs de shopping sont aux anges. Quelques 5000 boutiques ouvrent exceptionnellement dans 300 villes aujourd'hui. Mais tous les commerçants ne sont pas prêts à sacrifier leur dimanche. Reportage dans un instant à Mons. Une île artificielle de 40 hectares créée à Knokk. C'est le projet de la Flandre pour protéger le littoral de la montée des eaux. 300 sociétés vous ouvrent leurs portes aujourd'hui. C'est la journée découverte entreprise. Nous visiterons les labos de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la santé alimentaire. Standard Anderlecht. C'est le classico, comme on dit dans le jargon foot. 4 ans que les Mauves n'ont plus gagné à Sclessin. Il n'était plus monté sur scène depuis 10 ans. Le chanteur Renaud a donné le coup d'envoi d'une tournée marathon. C'était à Évry, hier soir, en banlieue parisienne. Vous entendrez l'impression des fans, certains déçus tout de même. On s'informe en compagnie de Lionel Denebourg. Bonjour, on l'appelle le Sunday Shop Day du shopping le dimanche. Près de 5000 magasins sont ouverts aujourd'hui. Une initiative de Comeos, la Fédération du Commerce et des Services. 5000 boutiques ouvertes dans 300 villes, mais avec des succès différents. Exemple, à Mons, même si le programme annonce une vingtaine de magasins partenaires, il y a des désistements et donc au final très peu de commerçants qui participeront à l'opération. Le reportage de Charlotte Legrand. Dans ce magasin de vêtements, on aurait bien ouvert ce dimanche. Bah oui, c'est une bonne occasion de faire du shopping un peu différemment, quoi. Problème, la gérante n'était pas au courant. Je pense que cette année, il y a eu, à mon avis, un malentendu. Ici, ça fait 3 jours qu'on sait qu'il y en a qui vont ouvrir, oui. Claudine est un peu partagée. Ouvrir le dimanche, elle n'est pas contre, mais personne ne lui achète ses sacs le dimanche. C'est de la visibilité d'ouvrir le dimanche. Disons que, bon, on passe quand même, on regarde, mais ce ne sont pas vraiment des clients. Ils viennent tout à fait autre chose, quoi. C'est pour la promenade. C'est pour la promenade. Ce n'est pas un jour où vous allez faire un bon chiffre d'affaires. Ah, pour le moment, non, absolument pas. Pas du tout. Pour la même raison, Jacqueline réserve les dimanches à sa famille. Moi, personnellement, voilà, j'ai une petite fille qui a 3 ans et donc je préfère passer les dimanches avec ma fille, comme j'ouvre déjà le samedi. Vous travaillez en solo. Voilà, c'est moi ou c'est personne. Philippe, lui, était inscrit sur le programme, mais son magasin d'articles pour bébés restera fermé. Trop de commerces se sont désistés et sans effet de groupe, ce sera un flop, nous dit-il. Absolument, ça sert à rien et il n'y a pas non plus d'animation touristique d'ampleur ce week-end-ci qui justifierait un flux naturel et donc des retombées économiques pour les commerçants qui ouvriraient. Un reportage à Mons de Charlotte Legrand. Et si vous voulez vérifier quels magasins seront ouverts et où, une adresse internet, le www.sundayshopday.be. Les alertes à la bombe ont presque doublé en un an. En 2015, 529 cas ont été répertoriés, la plupart du temps à Bruxelles, chiffre communiqué par le ministre de l'Intérieur. On rappelle pour les mauvais plaisantins qu'ils risquent une peine de 3 mois à 2 ans de prison, ainsi qu'une amende. Comment protéger la côte belge de la montée des eaux? Cette question turlupine de plus en plus la Flandre et une solution semble se dégager. C'est créer une île artificielle. La Flandre y pense sérieusement, Simon Bourgeois. La région vient en tout cas de dégager 8 millions d'euros pour faire une étude, voir si ce serait vraiment efficace, combien ça coûterait, où est-ce que ça pourrait être mis exactement. Tout ça est donc encore un projet mais qui pourrait exister d'ici 4-5 ans déjà si ça se concrétise. Une île de 2 km de long à un gros kilomètre de la plage de Knokk, une sorte de digue naturelle, un long banc de sable. Ça pourrait au passage être une réserve naturelle pour les animaux ou bien un nouveau port. Tout ça est encore à déterminer. Et que ce soit cette île ou bien autre chose, Simon, la Flandre doit d'office faire quelque chose pour protéger sa côte. Ben oui, parce que le littoral est protégé de la montée des eaux et des grosses tempêtes jusqu'en 2050 pour le moment. Ça, c'est l'estimation des politiques et on y sera vite. La mer monte d'un centimètre tous les 3 ans et les premiers exposés, ben, ce sont les Flamands évidemment. Alors ils anticipent, ils essayent de voulais voir quelle serait la meilleure solution pour se protéger. Cette île permettrait d'être tranquille jusqu'en 2100, puis elle pourrait encore être agrandie jusqu'à 6 km de long, la taille de 600 terrains de foot. Les explications de Simon Bourgeois. Un mot de politique avec le congrès de rentrée du Parti Socialiste. Aujourd'hui, ce sera à Soigny, dans le Hainaut. L'église de Saint-Étienne de Rouvray, à nouveau accessible cet après-midi. C'est dans cette église de Normandie qu'un prêtre a été égorgé en juillet dernier par deux djihadistes. 200 personnes ont été accréditées pour assister à la messe. Un écran géant sera également placé à l'extérieur. Cérémonie placée sous forte présence policière. Les Hongrois votent aujourd'hui pour un référendum. La question, oui ou non, la Hongrie doit-elle accueillir des migrants comme le prévoit le plan européen? Référendum polémique, critiqué par les autres membres européens. Pour le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, pas question d'appliquer ce plan qui prévoit de répartir les quelques 160 000 demandeurs d'asile. Laszlo Moiteni est constitutionnaliste et pour lui ce référendum est tout simplement contradictoire avec les règles européennes. Le Parlement est majoritairement pro-Orban, donc le référendum ne sert à rien. Le référendum n'a aucun enjeu légal, mais il a un enjeu politique. Orban joue un jeu pour prouver que la majorité de la population hongroise appuie sa politique. Interview de Waup Faumi Mathieu s'approche en ce moment de la Jamaïque et d'Haïti. Cet ouragan qui souffle à plus de 240 km/h, le plus puissant dans la région depuis bientôt 10 ans d'après les météorologues, il pourrait perdre de sa force en arrivant sur Haïti, mais les autorités craignent des glissements de terrain et des inondations. Un mètre de pluie est attendu là-bas. 300 sociétés, 300 PME wallonnes vous ouvrent leurs portes ce dimanche à l'occasion de la journée découverte entreprise. Un exemple, les laboratoires de l'AFSCA à Wandre, en province de Liège. L'Agence fédérale pour la santé alimentaire n'a pas toujours bonne presse. Aujourd'hui, elle veut donc expliquer son travail au public. Barbara Schall s'est rendue dans les laboratoires de l'AFSCA. Nous sommes dans l'un des 5 laboratoires de l'AFSCA, à chacun ses spécialités. Patrick Genot, le directeur du laboratoire de Wandre. Donc ici, on va d'une part travailler sur les intrants agricoles. On a aussi toute une activité sur les denrées alimentaires. On va aussi rechercher toute une série de contaminants, des résidus de pesticides. Et notre dernière activité, nous allons vérifier que les constituants du plastique ne migrent pas vers les aliments. Chaque année, 6000 échantillons sont réceptionnés ici. Ils sont prélevés par des contrôleurs qui, à l'improviste, frappent à la porte de traiteurs, de grandes surfaces ou d'abattoirs, par exemple. Des échantillons qui sont analysés un étage plus haut. On va injecter de l'huile dans ces deux colonnes-ci, donc qui sont, si vous voulez, des filtres. Claude Dosten, expert technique à l'AFSCA, s'apprête à analyser des huiles de friture. Nous allons chercher les triglycérides polymérisés qui sont produits par le chauffage de l'huile. Plus on chauffe et plus il y a de triglycérides. Donc en fait, vous essayez de savoir si le frituriste change suffisamment souvent son huile. C'est exactement ça, oui. Après analyse, quelques 4% des échantillons inspectés dans ce laboratoire sont déclarés non conformes. Patrick Genot. L'intérêt est tout à fait de protéger le consommateur et de retirer du marché des denrées potentiellement dangereuses. Et le programme de cette journée découverte entreprise, c'est sur le 3xw.jde.be. On l'appelle le Classico, le choc standard Anderlecht, tout à l'heure à 18h. 4 ans déjà que les Mauves n'ont plus gagné dans l'enfer de Sclessin. Le milieu de terrain liégeois, Mathieu Dossévy, nous parle de l'ambiance toute particulière qui règne dans ce genre de rencontre. Par rapport à l'engouement des supporters, qui est un peu plus présent, là, même si ils le sont tout le temps, mais là on sent quand même qu'il y a une atmosphère un peu différente. Voilà, c'est chaque contact, ça pousse, chaque action, on sent que les supporters sont derrière, donc il y a forcément plus d'attente. C'est indéniable. Le Liégeois Mathieu Dossévio, micro de Julien Maric. L'autre affiche du jour, c'est le Club de Bruges contre la Gantoise. Ce sera à 14h30. Pour rappel, Charleroi a partagé l'enjeu, un but partout hier à Zulte-Waregem. Et Moucron s'est imposé 1-4 sur la pelouse de Penn. En basket, on disputait hier soir la première journée du championnat. On notera les victoires pour Liège contre Charleroi et cette belle victoire aussi pour Mons-Hainaut à Ostende. Enfin en golf, suite et fin de la Ryder Cup ce dimanche. Les Américains ont repris la main cette nuit et mènent pour l'instant de 3 points face aux Européens. Le Belge Thomas Peters a à nouveau marqué un point cette nuit. C'est un gimmick que vous connaissez tous. Écoutez. Vous avez forcément reconnu Renaud. Après 10 ans d'absence, 10 ans de galère, le chanteur est remonté sur scène hier soir. C'était à Évry, au sud de Paris. Renaud, bandana rouge et blouson de cuir comme à la grande époque. Le début d'une tournée géante, plus de 100 dates en France, en Suisse et en Belgique évidemment. Yann Bertrand était dans la salle hier soir pour ce tout premier concert. Il n'attendait que de le voir enfin 10 ans après, le voir l'acclamer pardonnant cette voix bancale, rocailleuse, mal assurée. Et le Phoenix Renault est aussi un diesel, 2h30 de concert et de plus en plus d'assurance, de l'amour, du partage, de la sobriété et beaucoup de classiques. Il est toujours proche de son public, donc ça fait chaud au cœur. Ah, super, j'ai pas été déçu du tout, il est génial. C'est un bonheur, quoi. Je suis super contente qu'il soit revenu. Maintenant, il faut continuer. Chez les fans qui avaient ressorti du placard et des années 80, les bandanas rouges, il y a aussi de la lucidité. C'est Renaud, bien sûr. Maintenant, en tant qu'interprète, bon, c'est plus ce que c'était. Effectivement, ça brise le cœur un peu quand même. Hein. On peut pas être à avoir été. Hein. Mais bon, c'est Renaud. On l'aime en fait, donc peu importe sa voix, on viendra, on écoutera les chansons, on chantera à sa place, c'est pas grave. Acté, chacun y trouvera son bonheur avec déjà un enseignement pour cette répétition générale à Évry. Tout cela se tient et c'est déjà beaucoup. Un reportage de Yann Bertrand, notre collègue de Radio France, Renaud, qui sera donc en concert chez nous. Ce sera les 8 et 9 novembre prochains. Ce sera à Forêt Nationale. Il est 9h11. Merci d'être à notre écoute. Tout de suite, c'est Les Enfants de Cœur avec Jean-Jacques Brunin. Merci beaucoup Lionel de Neubourg. Prochain journal à 10h. Les Enfants de Cœur vous attendent ce matin à Momigny. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Les Enfants de Cœur sur Vivacité. Bonjour chers amis, nous sommes quasi en France ce matin, plus loin que Chimay et pas très loin non plus de Maquenoise. Nous faisons étape dans une magnifique région que celle-ci. Nous sommes à l'invitation du comité jumelage à Momigny et ce fameux comité jumelage est représenté par Henri Nicodème et toute son équipe que l'on peut applaudir. Momignien, Momignienne, est-ce que vous allez bien ? Oui ! Ça commence très fort. Salle pleine ici au Cursal. Je suis persuadé que l'on va bien s'amuser. Alors, voici donc vos enfants de cœur avec une équipe de chroniqueurs que je vous présente sur le thème des prénoms bizarres dont les parents ont affublé leurs jumeaux et je n'invente rien. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo. Authentique, les amis, un couple breton a appelé ses enfants Babord et Tribord. Lui ne perd jamais le nord, mesdames, messieurs, Dominique Watrin. Bonjour à tous. Comme c'est frais. Comme c'est doux. Des accros de la pub ont choisi pour leurs jumeaux Soupline et Cajoline. Le plus doux de la bande, voici Cody. Bonjour, Momigny. À quel accueil. Autre prénom inspiré de la pub. Bonne mère, à quoi ça sert que du croix et des carcasses. Des bobos ont prénommé leurs enfants Origan et Ciboulette. C'est incroyable quand même. Le plus pimenté dans ses chroniques de l'équipe, Christophe Bourdon. Bonjour à tous, bonjour Jean-Jacques, bonjour. Et enfin ce générique. Bah ouais. Un couple fan de séries américaines a effectivement prénommé ses enfants Starkey et Hutch pour le sosie de James Dean. Il s'appelle James Dino. Bonjour. Bonjour, bonjour.

Les frères Taloche qui partent en tournée avec la pièce Les Caves, hein, on pourra vous voir à gauche, à droite. Je sais que vous jouez Les Caves à deux, est-ce que ça pourrait être en plus grand nombre? Est-ce que vous pourriez jouer Les Caves à 20? Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Non seulement il a une grande culture générale, mais c'est le roi du jeu de mots, Christophe Bourdon. Parce qu'il faut vraiment repasser ça. Avec nos amis Taloche que vous connaissez aussi très bien. Très bien, oui. Il nous a dit que vous allez passer un excellent moment avec les jumeaux. C'est vrai, oh oui, ils sont non seulement ils sont sympathiques. Ça, c'est vrai, oui. Mais en oui. plus, ils ont un talent extraordinaire. C'est pas ils faux. Exagèrent un petit peu, quand ils même. Ils exagèrent un peu. Oui, ah, ils sont bienveillants, ils sont bienveillants. Une petite citation pour démarrer cette émission. Les Américains, quand on leur donne un nain, ils font Game of Thrones. En France, on fait Joséphine Ange Gardien. Homme de télé, français, bien connu, un peu impertinent. Ardisson. Oui, bravo, Cody. Thierry Ardisson, exactement. C'est bien son style, mais il aurait dit comment? Les Américains, c'est pas ça Ardisson, les Américains ont fait Game of Thrones, nous en France, on fait Joséphine Ange Gardien. Ouais. C'est ça Ardisson. Ah, bravo. Ça. C'est un mélange d'Ardisson de Maïté, mais... Et le mélange de Maïté de Christophe Maé, c'est... Allez, Cody, c'est ta tour. Allez, ça c'est le meilleur moment de l'émission. Qu'on s'attache et qu'on s'en foisonne. Un best-seller. C'est pas mal. Nous recevions dimanche dernier Charlie Dupont, l'extraordinaire comédien belge de cinéma, qu'on peut voir d'ailleurs actuellement dans Un Petit Boulot, le film très avec... Très bon, je l'ai vu, très bien. Michel Blanc et Romain Duris. Il nous a envoyé un petit mot de remerciement pour son bon souvenir de l'équipe des Enfants de Cœur en disant « Super ambiance à Wépion, bon public et surtout belle équipe. Les gars, surtout, ne vous prenez jamais au sérieux. » Ça risque pas de nous arriver, ça, hein? Non, ça risque. Ça m'inquiète ce silence. On se l'a pété déjà. C'est ce qu'on se disait, oui. Les amis, on va commencer sur une note optimiste directement, avec le journal des bonnes nouvelles. C'est notre ami Cody. Quel accueil, Momini, quel accueil. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en ce JT des bonnes nouvelles. Alors, on commence avec cette nouvelle qui a suscité un peu d'engouement. Suite à l'engouement justement suscité par le pénis en berne peint sur une façade de Saint-Gilles, Rocco Siffredi aurait donné son aval pour la réalisation de l'autoportrait de son anatomie dans la ville de Bruxelles. Selon nos informations, dans un souci de réalisme, le projet s'effectuerait à l'Atomium. Il faut connaître, hein, évidemment, le... Je connais. Société, l'annulation des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve a provoqué un séisme auprès des étudiants. En guise de protestation, ces derniers ont décidé d'étudier pendant 24 heures. Et puis cette nouvelle qui concerne la justice, une pièce à conviction proposée par la défense de l'ex-député Westphal a purement été refusée. Ce dernier aurait, selon plusieurs témoins, tenté d'amadouer le jury avec un karaoké en interprétant le tube du groupe Nuit de folie et tu tapes, tapes, tapes, c'est ta façon d'aimer. Est-ce que tu penses que le moment est bien choisi? Non, l'argument est bien évidemment, l'argument a été considéré comme son geste, c'est-à-dire nul. Hein. Alors, l'actualité des People également, selon nos informations, si Angelina Jolie a décidé de se séparer de son mari, c'est suite à un voyage au Mexique où il aurait mangé trop mexicain. En effet, quand il mange trop épicé, Brad Pitt. Selon nos informations, toujours, la répartition du divorce entre Angelina et Brad a déjà commencé. L'écran plat sera pour Angelina, le 4x4 pour Brad, la maison à LA à Angelina, le chalet en Suisse pour Brad. Au niveau des enfants, ce qui concerne Maddox, Brandon, Viven, Steven, Laura, Pax, Tien, Estelle, Ryan, Stan, Priscilla, Megan, Ottawa, Germaine, Addison, Adrian, ceux-ci iront une semaine sur deux chez Angelina. Et donc Knox, Gavin, Kenzie, Hatter, Jared, Kenya, Jeff, Luca, John, Justin, Cameron, Crystal, Emily, Zahara, Silo iront une semaine sur deux chez Brad. Et on termine avec cette nouvelle de société en une exclusivité. Un chercheur d'emploi bruxellois arrive en retard à son entretien d'embauche à la SNCB et est engagé sur le champ avec une augmentation directe et 15 jours de congés payés supplémentaires à effet immédiat. En effet, la direction a estimé qu'il correspondait parfaitement aux valeurs de l'entreprise. Bravo à lui. C'est la fin de cette édition. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, donc il y en a. C'est qu'elles sont forcément mauvaises. À dimanche prochain. La chronique en images, bien sûr, sur la plateforme audio, c'était Cody. Alors, mes chers amis, les jumeaux, oui. On s'est vus il y a peu de temps, vous étiez à Bastogne, au Festival de Rochefort, et je sais que pour l'instant, vous écrivez déjà un nouveau spectacle. Et oui, bah oui, parce qu'on se lassait du spectacle actuel, alors on écrit un nouveau spectacle qu'on va jouer en Belgique d'ailleurs, qu'on va jouer à Moucron, à Liège, à Bruxelles. Ouais. Ah voilà. Oui, il y a déjà des dates fixées. Ah oui, il y a déjà des dates fixées, exactement, sinon je ne te le dirai pas. c'est bientôt, ce sera en février, si on fait. Ouais. Alors, février 2017, donc voilà. Et Bruxelles et Liège, ce sera, je pense, en avril. Bruxelles, c'est début mai, je pense. Début mai, voilà, début mai. Donc c'est un petit peu dans un petit moment, mais on se met ça déjà dans la tête. Nous, on avait vraiment envie de jouer aussi, de tester ce spectacle en Belgique, parce qu'on est à côté, on est voisins, on habite à Lille, et à chaque fois qu'on vient en Belgique, on se régale, le public est vraiment sympa et généreux, et très absurde. Nous, on aime bien le côté absurde, aussi de votre bande, hein, à vous, et ce côté un peu absurde, taquin, ce que vient de faire Cody avec grand talent, parce que Cody... Arrêtez. Mais j'adore ça, donc voilà, c'est pour ça qu'on vient en Belgique. Alors, une petite séquence dans laquelle vous pouvez participer, c'est la question mystère. Ouais. Un des chroniqueurs pose une question. Nous devons, nous, à notre tour, lui poser des questions pour trouver l'explication et la solution. Christophe Bourdon. Alors, ça se passe en Suède. Le défenseur d'une équipe de football a récemment été exclu d'un match. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il a fait une faute ? Dans le jeu. Il a reçu un carton jaune, c'était son deuxième, donc c'est devenu carton rouge, et oui. Donc il a fait. Mais c'est pas une faute banale, c'est pas une faute courante, voilà. Est-ce qu'il a enlevé un short ou son maillot? Oui, est-ce qu'il a enlevé? Non. Il a déculotté un adversaire, non? Non. Il s'est attaqué à l'arbitre. Ça concerne l'arbitre, il s'est pas attaqué à lui. Il a fait un bisou à l'arbitre? Non. Il a applaudi l'arbitre? Non. Il lui a piqué ses cartes? Non. Il a mis un carton à l'arbitre? Non. Il a sifflé dans son sifflet? Non. Il lui a roulé une pelle? Non. C'était l'arbitre. Il a attaqué violent ou pas? Il n'a pas touché l'arbitre. Ah, c'était près de l'arbitre. Il a injurié alors? Non. Il a fait une grimace derrière lui un peu. Il lui a craché dessus. On se rapproche, mais non. Il a tripoté dessus. Il a chié dessus. Non. Il a un peu de tenue, on est le dimanche matin quand même. Vous savez quoi, Jean-Jacques? Je vais accepter parce que la réponse est qu'il a pété bruyamment. Donc c'est le thème de l'émission. Bruyamment. Il a pété bruyamment. Un joueur de l'équipe adverse a expliqué que même en étant à une distance éloignée de la scène, il a entendu la flatulence. Et donc l'arbitre a dit que c'est un geste provocateur et antisportif. Hop, deuxième carton jaune, exclusion. Une grosse ambiance dans le stade. Oui, ça, j'imagine. Merci beaucoup Christophe, petite pause dans les enfants de cœur. Et puis nous retrouverons une autre question sonore et la chronique de Dominique Watrin depuis Momigny. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Magasin ouvert le dimanche 2 octobre. Info et horaires, poincaré.eu. 9h, 10h30. J'ai un petit dicton très court. Allez, vas-y. À force de patience et de sein doux, l'éléphant sodomise le pou. Merveilleux, merveilleux. J'avais un Africain du même goût, si je peux me permettre, qui avale une noix de coco, surestime son anus. Les enfants de cœur. Depuis le Kursaal de Momigny, en compagnie de Steven et Christopher, les jumeaux. Est-ce qu'on doit vous faire un dessin ou vous avez compris le niveau? Moi j'aime bien ce niveau. C'est sonore. Oui, entre Brad Pitt et le mec qui chie sur la main. J'aime bien cette ambiance. Ouais, dans un bon mood. Et on est le matin, le dimanche. C'est dimanche matin. Il faut se réveiller quand même. Hein. Oui. Mais c'est bon pour se réveiller, je trouve. Avant il y avait la messe. Maintenant les enfants de cœur. Ouais, c'est bien. C'est une autre ambiance. Le public assez fort. Et les amis, on ne repart jamais de Belgique sans des chocolats. On est quand même les spécialistes. Regardez. Oh là là. Cadeau complet avec. Vous êtes tellement généreux. Ça, c'est une merveille. C'est les macarons. Les macarons de toutes les couleurs de Jean-Philippe Darcy. Généralement, les invités ne partagent pas, et je pense qu'ils ont bien raison. Ouais. On va devoir partager à deux. Ouais. Là, donc, ouais. Et voilà. Toutes les informations sur le www.darcy.com. Régalez-vous. Merci. Je les mets de côté, sinon ils vont fondre. Et si vous les oubliez, tant mieux. Ouais, voilà. Mais voici donc Dominique Watrin pour sa chronique depuis Momigny. Oh là là là là, le cathino fou. Les enfants des cœurs. Cathino mon micro et crapaud ton basta fuite. Mouse costaud. Je ne veux pas critiquer nos invités, mais être jumeau, c'est très facile. Ce qui est très compliqué et douloureux, c'est être des quadruplés. Voici, en exclusivité, un double témoignage bouleversant qui prouve combien cet état de quadruplé est pénible. Bonjour. On voudrait profiter que nos deux frères préparent encore le prochain festival de Cannes en ce moment pour vous faire une révélation. Il n'y a pas que dans la famille royale belge qu'il y a eu des enfants naturels. Nous sommes Christophe et Dominique Dardenne, les enfants cachés de la famille Dardenne. Pas celle de Michel, le ministre qui se parfumait au Péquet. Ceux qui font du cinéma. En fait, Luc et Jean-Pierre Dardenne ne sont pas des jumeaux. On est des quadruplés. On nous a cachés parce qu'on ne fait pas de cinéma. Nous, on raconte des blagues. Voici notre dernière blague. C'est un type qui dit à son collègue Beg, si demain, en allant chercher tes cigarettes, tu parviens à dire « Bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes. » Sans bégayer, je te donne ma paye. Le bec s'entraîne toute la nuit et le lendemain, il rentre dans le bureau de tabac et il demande avec beaucoup de concentration « Bonjour madame, je voudrais un paquet de gitanes, s'il vous plaît. » La femme lui répond « Filtre ou sans filtre ?» Et l'homme lui dit ça, salope. On a présenté cette blague au festival de Cannes du Rire. On n'a pas eu la palme d'or parce qu'ils n'en donnent pas. Leur prix, il paraît que c'est un pompon et on l'aura sûrement. Parce qu'après avoir entendu notre histoire, le président du jury a dit en pleurant « J'ai déjà vu des cons, mais ceux-là, ils ont le pompon. Youpi !» Dominique Watrin et Christophe Bourdon. Un commentaire, Christopher ? C'est extraordinaire. Mieux que les films des frères Dardenne. C'est mieux que les films des frères Dardenne. Quel jeu d'acteur. Oh, ouais. On ne nous a jamais demandé au cinéma. On a eu un demi-projet, mais le cinéma, c'est très long, en fait. Ouais. Et c'était pour jouer des sosies, en fait. Voilà, mais c'est un quart de demi-projet. Je pense qu'on est encore trop jeune dans le métier pour... Ça vous tenterait ? Oui. Le problème, c'est que quand on a des castings, en général, on est en tournée. On a des spectacles. Mm-hmm. Et donc, on n'est jamais disponible au bon moment. Donc, pour l'instant, on est en tournée, ça nous plaît. Et puis, un jour, pourquoi pas, ouais. Avec les frères Dardenne. Voilà, par exemple, c'est drôle. C'est pas très drôle. Je pense que ce sera très drôle. Mais ce serait mais ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait passer l'un pour l'autre ? Ça vous est déjà arrivé ? Oui, bah oui. C'est arrivé. À l'école ? À l'école. Les examens ? Non. On pourrait le dire maintenant, mais non, on n'a jamais fait. Avec les meufs ? On nous demande souvent si on partage nos petites copines. On répond toujours franchement, oui. Mais oui, c'est normal que quand tu investis avec un associé, à la fin tu partages des dividendes. Voilà. Voilà. C'est normal. Oui, mais on vous distingue quand même. Hein. Oui, on se sent pas tant que ça. En fait, on sait même pas si on est des vrais ou des faux jumeaux. En fait, ouais. Dans le premier spectacle, on dit qu'on est des vrais. Et en fait, là, on est en train de faire un test de fraternité pour savoir si on est des vrais ou des faux. C'est comme un test de paternité pour savoir si on est un vrai ou un faux cocu. Voilà. Mais nous, on fait un test de fraternité puis on verra. À ça, puis on en parlera dans le nouveau spectacle. On est des vrais ou des faux. Voilà. C'est moins cher en Belgique de le faire le test. Donc. Voilà, donc on reviendra à Momigny faire le test. Écoute. Voilà. Voilà, les jumeaux sont nos invités jusqu'à 10h30 dans Les Enfants de Cœur. Autre question mystère et réellement sonore cette fois sur un problème d'assurance. Écoutez plutôt. Jean-François est désemparé. Sa réputation lui a encore une fois joué des tours. C'est donc à contre-cœur qu'il va devoir résilier son assurance. C'est uniquement donc une demande de résiliation à l'amiable. Il doit résilier son assurance à l'amiable. Pourquoi ? C'est l'assurance qui est spéciale ? Non. Ça concerne sa voiture. Oui, voiture, ouais. Quoi ? Ça concerne... Sa maison. Non, sa voiture. Sa voiture. Oui. Il n'a plus de voiture. Non, c'est plus large que ça. Il y a eu trop d'accidents. Il y a trop de malus. Voilà, c'est ça. On ne veut plus l'assurer. En plus, son assureur est un copain qui lui a dit « Écoute bien, c'est pas possible. Écoutez plutôt la réponse, ça vaut. » 35 accidents, 40 fractures, 2000 jours à l'hôpital, 3 comas, 3 traumatismes crâniens, 6 mois de paralysie. Jean-François a tout d'un miraculé. Cette série d'accidents fait d'ailleurs de lui l'homme le plus malchanceux de France. Le mec, il n'est pas si malchanceux que ça. Il y a 35 accidents, il est toujours en vie quand même. Oui, donc, oui, c'est pas, mais dans quel état, hein? Mais dans quel état? C'est pas l'assurance qu'il faut lui enlever, c'est une voiture en fait. Non, mais il y a quand même des cas incroyables. Ouais, ben c'est... Et il est français. Ouais, on est fiers. On est fiers de lui. C'est pas un hasard. Bon, les amis, on se fait une petite pause encore sur Vivacité. Et puis nous revenons vite, vite ici au Cursal de Momie. Vivacité présente. Dis maman, ce week-end, on va au Jardin des Wyrs? Tu veux dire des Vières? Ah bon, tu crois? Oh oui, ce week-end au Jardin des Vières, c'est la fête des plantes et du Jardin de l'âne. 200 professionnels belges et étrangers proposent leurs plus beaux produits et partagent leur passion de la nature. C'est 30 septembre, 1er et 2 octobre, fête des plantes et du Jardin à l'âne à deux pas de Bruxelles. Pluie? Je résiste. Chaleur? Je résiste. Vent? Je résiste. Neige? Je résiste. Envahisseur? Je résiste. Eh bien mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo! Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout, rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'appli Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On relâche les jambes, on va dans la cuisine et on plie les genoux. Prend le sac poubelle et on le ferme, on se remet droit et on se baisse, on le dépose et on recommence. Allez! Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Médicament ou diclofénac, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Comment ne pas se rappeler, Bruno et Vincent, de votre gourmandise légendaire? Toi, Vincent, qui me disais encore il y a quelques jours que tu rêvais de manger des ailes de poulet. Oui, je t'entends encore me dire, j'ai encore rêvé d'ailes. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Avec Steven et Christopher, les jumeaux depuis Momini. Oui, une autre constante dans les enfants de cœur, vous n'êtes pas obligé de rire de tout. Ouais, mais quand c'est consternant, dites-le. Hein. Ouais, non, sur la blague de l'aile, on a pari, t'as vu? Vous faites beaucoup des imitations dans le spectacle. Ils sont très très forts, très forts. Mais ils ont vraiment comme des Pokémon décuplé leur force, leur style. C'est très précis. Ils sont super bons dans les imitations. Ils font tout le monde, quoi. Ils font tout le monde. On a fait un duel avec Fabien Le Castel, qui est très fort, plus fort que nous, parce que lui, c'est sa vraie spécialité. Nous, on est plus dans la caricature, dans l'imitation caricature, visuelle aussi, donc ce qui à la radio est un petit peu moins marrant. Philippe Candeloro, par exemple. C'est lui, Philippe. Ah, je suis content d'être au Momini. J'ai envie de chier sous les chiottes. Non, s'il vous plaît, mon cher Philippe, s'il vous plaît, très, très, très content d'être avec vous, Nelson Montfort, pour ceux qui ne l'auraient pas connu. Je suis avec mon ami Philippe Candeloro. Comment allez-vous, mon cher Philippe? Ah, je pète la forme, là. Oui, non, arrêtez avec les... Enfin, je pète la forme, je veux pas dire ça, parce qu'ici, ils sont un peu chauds, là. Non, surtout pas, vous êtes incorrigible. Ah non, je suis incommodé, là. Voilà, alors... Jean-Pierre Bacry. Ah, bonsoir. Je suis content d'avoir fait 1h50 pour me faire chier à Momigny. Hein. Écoutez, c'est sympa, il y a une belle salle, je suis noir Cody, et il y a mon ami Fabrice Lucchini là, qui est à côté de moi. Là, et... Bonsoir, je te trouve très sévère, Jean-Pierre, les gens sont très bien ici. Ouais. Comme disait Sacha Guitry. Oh, Sacha Guitry disait, être en couple, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. C'est beau, ouais, hein. C'est Guitry, j'adore, forcément, c'est énorme. Dans les questions que les journalistes vous posent, est-ce qu'il y en a une qui revient systématiquement? En fait, il y a une question qu'on nous a posée au tout début de notre jeune carrière, qui nous avait un petit peu surpris. On nous avait dit, le mec venait de voir le spectacle, il dit, ouais, c'est vachement bien, vous êtes très bien sur scène, très à l'aise, très complice, vous connaissez depuis longtemps. C'est un peu là, on a bloqué. On a fait merde, on s'est demandé si c'était une vanne. Et bien voilà, donc le catalogue le plus bizarre, c'est le questionnaire que vous propose notre ami James Dino. Pourquoi ? Pour qui ? Où ça ? Avec qui ? Pour ça ? Combien ? À quelle heure ? En quelle heure ? Saviez-vous ? Mais comment ? Alors, Christopher et Steven, donc maintenant vous avez fait douter avec votre histoire, mais vous êtes des jumeaux monozygotes. Oui. Donc je me suis renseigné, donc ça veut dire que vous venez du même œuf. Oui. Exactement. Du coup, lequel de vous est le blanc, lequel de vous est le jaune? Elle est bien, celle-là, on voit celle-là, très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous vous connaissez depuis longtemps. D'ailleurs, au tout début de votre vie, vous êtes restés 9 mois ensemble. Vous avez écrit combien de spectacles pendant ce temps-là? On a eu des visites de notre papa, non, en tout cas. Lequel des deux s'en souvient encore? Les draps s'en souviennent, en tout cas. Oh mon Dieu. Celui qui a le front plat. Alors, vous bossez beaucoup, on le sait, ça se sait dans le métier d'ailleurs, Cody nous l'a dit dans la voiture. Du coup, quand vous répétez, est-ce que vous répétez devant un miroir ou juste devant votre frère? On répète à quatre, du coup. Mais est-ce que vous feriez pas mieux pour régler votre histoire tout à l'heure de faire un seul et même artiste qui pourrait jouer dans deux villes différentes? Ben notre producteur nous l'a demandé, parce que ça l'arrangeait bien et c'est pas bête comme histoire. Est-ce que vous vous confondez parfois vous-même? Au téléphone, ça nous arrive. Moi, j'ai déjà laissé un message à Christopher, j'ai réécouté le message et je croyais que c'était lui qui me parlait, donc j'ai fait « Ouais, allô ?» Ouais, pardon, c'est mon message. Quel con. Donc, au niveau de la voix. Sinon, mais... physiquement, ce serait con. Quand même. Non, j'arrive à me reconnaître, j'arrive à le reconnaître. Non. Est-ce qu'un jumeau averti en vos quatre? Exactement. Alors, on dit femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, vu que vous faites rire à deux. Est-ce que vous arrivez à la ramener en entier, vous? Parce que nous, on galère quand même. Allez, une toute dernière question. Pour une fois que vous êtes sur une radio, écoutez, en Belgique et dans le nord de la France, avec vos fans, c'est qui le meilleur public, les Français ou les Belges? C'est ceux qui sont juste à la frontière. Genre Momigny. Merci. En image sur la plateforme Ovio, c'était James Dino, notre personnage mystère qui est d'ici de Momigny. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Sylvie Sloss. Alors, vous ne soufflez pas, évidemment, ici à Momigny, elle est bien connue, mais les chroniqueurs découvrent cette dame. Venez par ici, ma chère Sylvie. Bonjour, Steven, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Et Christophe Bourdon. Elle est de Momigny. Oui. Dans les années 80, elle a connu un destin pas tout à fait commun. Ah. Ouais. Artistique? Non. Sportif? Oui. Ah. Vous avez eu une médaille d'or. Cyclisme? Une médaille. J'en ai médaille. Eu... plusieurs, mais oui, en cyclisme. Oui. Wow. Oui. Ah, tiens, bien, bon. Directement sur la bonne voie. En cyclisme. Jeannie Longo du coin. C'est peut-être vos gueules de pédale qui m'inspirent. La réponse. Il vient. Non, vous êtes Jeannie Longo. La bonne réponse. C'est elle. En fait, Sylvie a pratiqué le cyclisme en professionnel pendant une bonne dizaine d'années, certainement. Oui, une quinzaine d'années, oui. Ah, quand même, 15 ans, oui, oui. Ouais. Et donc, détaillez-nous un petit peu ce que vous avez fait. À quel type de course et de championnat avez-vous participé? Donc j'ai débuté la compétition à 15 ans et arrivé en junior, j'ai remporté 2 fois les championnats de Belgique. Et puis après j'ai passé à la catégorie supérieure, donc en amateur international, où j'ai pu faire des compétitions et donc courir avec Jeannie Longo. Ah, oui. Mais mieux, battre Jeannie Longo. Ah, ouais. Voilà, donc j'ai réussi à la battre dans une épreuve en Bretagne qui s'appelait la Miou Bretonne. C'était une épreuve de 15 jours qui se faisait au classement par points. 15 jours de fatigué. Oui, c'est ça. Vraiment, il faut s'arrêter aussi. Hein. Bravo. Puis j'ai eu la chance de participer au Tour de France avec Jeannie Longo et Maria Canins à cette époque-là, qui était la grande rivale de Jeannie Longo. Et puis, bon, championne de Belgique dans la haute catégorie, c'est qui était le couronnement de ma carrière. Formidable. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo, bravo. Sylvie Sloss. J'ai deux, trois petites questions, parce que le jargon du cyclisme est assez particulier. Par exemple, sucer la roue, qu'est-ce que ça veut dire? Pas le roue, hein, parce que ça, on sait. Sucer la roue, c'est rester dans la roue de l'adversaire, donc le suivre sans faire d'effort. Ah oui, et la danseuse La danseuse, c'est se mettre debout sur les pédales. Ah oui. Ah ouais. Et moi, j'ai une question pour tous les cyclistes français. Gagner, qu'est-ce que ça veut dire? on sait pas, nous. Gagner, c'est terminer premier. Pour nous, ouais. Bonne réponse. Merci beaucoup, Sylvie. Bravo. Merci à tous les gars. Parce qu'en fait, maintenant, Sylvie entraîne les jeunes de Belleux, c'est ça, hein? Belleux. Et elle les a abandonnés pour venir nous rejoindre aujourd'hui à Momigny. Donc un tout, tout grand merci, Sylvie. Merci. Ouais, je crois merci que les jumeaux pouvaient donner peut-être vos chocolats, peut-être. Hein. Bon dimanche matin. C'est une sportive. Bravo. Petite pause, nous retrouverons les blagues de merde. Et notre infomane Bruno Coppens dans Les Enfants de Cœur, à tout de suite. Le dimanche matin sur Vivacité. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. En octobre, au bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet? Un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au bon repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Viva, 9h, 10h30. Technologie, nouvelle success story dans la Silicon Valley. Une nouvelle encyclopédie numérique vient de naître sur Internet. Elle est exclusivement accessible pour les alcooliques et s'appelle Whiskypedia. Les enfants de cœur. Jusqu'à 10h30 sur Vivacité. J'ai eu notre ami Alex Gizerec au bout du fil il y a quelques jours. C'est votre ami Jean-Jacques, Alex, c'est Alex, qui revient dans les quelques spectacles chez nous dans le bien courant sûr du mois d'octobre et de novembre. Alex Gizerec est une œuvre d'art. Notez les dates, le 15 octobre à Braine-l'Alleud, le 22 à Bruxelles, le 29 octobre à Liège et le 5 novembre à Mons. Vous avez remarqué, c'est uniquement des samedis. Exactement. Les autres jours, il boulotte comme un fou. Allez applaudir Alex, c'est l'occasion jamais de le réaccueillir chez lui, maintenant que lui qui fait carrière à Paris. Mesdames, messieurs, c'est le moment de retrouver un infomane. Les enfants de cœur. Et depuis quelques semaines, l'infomane des enfants de cœur, c'est Bruno Coppens. Mon cher Bruno, où êtes-vous donc? Bonjour Jean-Jacques, bonjour l'équipe, bonjour Momigny, vous allez bien? C'est assez étrange d'être ici à Momigny, si près de la frontière française. J'ai l'impression d'être un exilé fiscal, mais sans le compte en banque qui va avec. Alors, je suis ici devant une chapelle de la commune, il y en a plein. Plein de chapelles, et c'est lié à l'origine de Momigny. Hein. Ça vient de Mot-Ménil. Mot signifie mauvais, comme dans maudire, dire du mal, ou comme dans Mauviette, un mauvais restaurant vietnamien. Et puis Ménil, qui signifie la maison, comme dans Ménilmontant, la maison de Yves, de sa bicyclette et de Paulette. Alors, pourquoi Momigny serait-elle la mauvaise habitation? C'est vrai que la commune est près de Chimay, située donc en plein sur l'axe du Malte, s'explique pourquoi il y a autant d'édicules religieux. Oui, je sais, Cody. Tu connais plutôt Daddy Cool que Daddy Cool, mais Daddy Cool, ça veut dire petit édifice. Cool, tu le sais, c'est tout ce qui est petit. Minuscule, petit postérieur, ridicule, petite ride, et tentacule, partie de jambes en l'air dans un camping. Mais ici, à Momigny, faire toutes les chapelles signifie en fait boire une chimée dans chaque café de la commune. D'où l'expression, lorsqu'on sort du café et qu'on voit une vraie chapelle, parle à mon culte, ma tête est malade. Alors, Bruno, je sais que vous avez des questions à poser à nos invités. Alors, les jumeaux, je me demandais... Dans le ventre de votre mère, enceinte jusqu'aux œufs, 9 mois dans le même bain amniotique sans jamais changer l'eau, ça devait puire là-dedans, non? Et puis l'autre, physiquement si proche, ça troue la fouille, non? Enfin, ça fout la trouille. L'autre, si près fatalement, il rentre dans la faune de ton corps. Dans ta zone de confort. En même temps, dans ce ventre, ça devait être le pied. Une colocation de 9 mois sans devoir sortir une poubelle ni faire des courses. Alors quand vous recevez la lettre d'expulsion, immédiate, vous voulez rester. Vous voyez bien où est l'issue de secousse, mais vous n'allez quand même pas sortir tout nu pour votre première apparition publique. Votre mère, elle tire sur vos cordons nombrilicaux. Alors pour protester, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez pour montrer votre minuscule et vous sortez comme ça en état de siège. Et j'espère, les jumeaux, que le public de Momigny, en vous applaudissant, va aussi mettre la salle en état de siège. À bientôt à tous, à bientôt. Un infomane dans les enfants de cœur, Bruno Coppens, vous allez le connaître aussi, Bruno. Ouais, il est très bon. Hein. Roi du jeu de mots, effectivement, bon. Effectivement. Nous serons le 11 octobre prochain à Visé, à la salle Les Tréteaux, avec notre collègue du journal télévisé, Ophélie Fontana, et le monsieur du cinéma belge, Philippe Reinhardt. Je crains le pire. Les réservations au 0495-36-38-39. Brigitte n'est pas encore là, tout le monde rit déjà. Hein. Oui, yeah. C'est très et radiophonique. Puis, nous serons le 25 octobre à Comines, pas loin de la frontière française, à l'Institut Saint-Henri avec Yann Lambiel et Fabien Lecastel, imitateur et humoriste suisse Yann Lambiel, avec évidemment le régional de l'étape Fabien, et Ismaël Saïdi, qui a écrit la pièce Djihad, dans laquelle notre ami James Dino joue. Les réservations pour Comines, 056-56-0060. Toutes les informations, les coordonnées des enregistrements se trouvent sur la page des Enfants de cœur sur le site de Vivacité. Calmez-vous, t'as perdu tout le monde là. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'il y a? Mais tout le monde s'en fout. J'ai l'impression. Oui. Brigitte. Ah non. Brigitte. Tu te trompes. Tout le monde attend avec impatience qui ça? Oui. La voici. C'est Brigitte. Ah. Du moins, on l'espère. Et il faut mettre le choke parce que sinon, elle n'arrive pas. Mesdames, messieurs, Brigitte vient de faire son apparition sur la scène des Enfants de cœur ici à Momigny. C'est tout simplement incroyable, c'est la liesse populaire qui vient de s'emparer de Momigny. Jean-Jacques, c'est officiel, nous avons fait trouver l'ami du mardi de Jean-Michel de Benezet. On n'a pas encore entendu votre voix, Brigitte. Oui, je suis content que les deux jumeaux soient là. Oui, et réciproquement. Ils sont contents de vous voir, oui. Moi, je venais ici que pour toi. Ah, oui. Si vous devez retourner à Lille tout à l'heure, demandez, ils vont là-bas. Oui. Il y a une dans la voiture. Et deux pour le prix d'un, Brigitte. Oui. Ben, je viens de Rezabri. Brigitte, vous n'avez pas été championne cycliste. Non. Je pose la question, c'est jamais, je demande. Bon, Brigitte, on va aller à l'essentiel. Est-ce que vous avez une petite blague à nous raconter? Ce n'est même pas sûr. C'est ni oui ni non, ça. Allez, Brigitte, on, allez, vous on y va. Mais qui fait quand même toujours plaisir. Quand j'étais petite, on regardait Nounours et Pimpernel. On disait, maman, j'ai tout du sable comme Nounours. Alors, c'est la fille de Michel Darbou. J'ai du sable et tout. Et vous aviez mal aux yeux. Non, on n'avait pas mal aux yeux. Et c'est terminé. Ouais. Ah ben, elle était très bien. Une autre Calmez-vous, je suis l'agent de Brigitte. Quand l'artiste a tout donné, généralement il se retire. Elle n'a pas tout donné là, Jean-Jacques. Mais en même temps, c'est fiancé. Et lui, il n'a pas un prénom, lui. Paul. Et il m'a dit qu'il connaît des blagues aussi. Viens raconter. Il apprenait. Brigitte, je vous remercie immensément d'être venu, je ne vous oublierai jamais. Cédric, oula. Jean-Jacques, je l'ai reconnu, c'est Tintin, mais la loupette est tombée. Oui. Tout à fait, oui. Bon, mon cher Cédric, vous passez un bon dimanche matin. Super, super. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vous connaissez les jumeaux? Oui, oui, je les ai suivis pendant un bon moment sur France 2, je vous enfin, c'est ça. Oui, demande-moi bien. 50 pense, passages, c'est ça, 56. Ouais, ouais, ouais, ouais, super. Là, génial. Ouais, très, très bon. Allez les voir. Content allez de les voir sur scène, ça vaut la peine. Mon cher Cédric, le public est à vous. Voici la blague de merde. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Bon, mais c'est un gars qui rentre chez lui, il est complètement bourré, le mec, et il arrive devant sa femme. Elle lui il dit, s'appelle Brigitte. Sa femme le regarde et lui dit « Mais la vache, t'es encore dans un rude état aujourd'hui. Oh, c'est pas de ma faute. Je suis tombé sur un copain et on s'en a bien bu. Hein. » « Ah oui, qu'elle dit en plus de ça, t'as été malade. »« Ah non, c'est pas moi, c'est lui. »« Qui, ton copain ?»« Oui, oui, c'est mon copain. Il me vomit dessus. »« Oh, elle dit, va te changer, va à la salle de bain, on en reparlera après. » Il revient, il en calbar. Elle lui dit « Mais dis donc, ton copain, tu te rappelles bien de lui ?»« Oui, oui, tu saurais le reconnaître. »« Ah oui. » Pourquoi ? Parce qu'il a chié dans ton froc aussi. Merci. Ouais. Merci. C'est dans le thème en même temps. Et un magnum de plus de Chimène. Bon dimanche. Pour notre ami Cédric. Une petite blague rapidement, Christopher ou Steven. Alors c'est deux petits vieux qui se rencontrent comme ça sur la place du village un dimanche matin, puis il fait bah alors Germain, comment te va? Bah j'ai une question. Mais oui. je suis fait de beau. Mais je sors de chez le médecin. Oui. J'ai fait mon ketchup. Check-up. Oui. Oui. Bah écoute, bah ça s'est bien passé. Écoute. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit ton médecin? Bah il m'a comparé à l'Amérique. Alors t'as qu'à voir. Mais c'est formidable ça. C'est bien. Bien. Moi je suis content. Non. Attends pas moi. Non, il m'a comparé à l'Afrique. L'Afrique. Oui. C'est moins bien l'Afrique, c'est moins la patate. Hein. Ou l'Asie, je sais plus. Ah non, je sais. Quoi? Il t'a dit que t'étais un continent. Voilà, ouais. Les enfants de cœur de Vivacité, ça fait longtemps qu'ils ont fait une croix sur le bon goût. Dans quelques instants, les informations de 10h sur Vivacité. Nous aurons une petite blague aussi qui sera racontée par Cody, qui nous a été envoyée par un auditeur. Mais avant cela, donc les infos de 10h, le feuilleton, les baraquis dans lesquels vous avez un rôle sur mesure. Oui. Les baraquis sont au spectacle de magie, mais aussi Jean-Michel de Bénezet. Jean-Jacques, je pensais pas dire ça un jour, mais il marche plus vite que Brigitte. Laissez mon ami tranquille. Non, c'est parce que moi, je suis fier d'être liégeois. Hein. Même si, pour le moment, quand on dit qu'on est liégeois, réserver une chambre d'hôtel à Ostende, c'est un peu compliqué. Mais sinon, il y a un truc qu'on a qu'à Liège, il n'y a que chez nous. Hein. Quand il y a des travaux sur un trottoir, dans toutes les autres villes, on met un panneau piéton traversé. Chez nous, non. Nous, j'ai été voir, il y avait des travaux dans le centre de Liège, sur le trottoir, ils ont mis une pancarte piéton traversé de l'autre côté de la rue. C'est une ville pour moi, hein, ça. Vous ne voudriez pas que j'aille ailleurs. Hein. Allez, je vais prendre une tisane locale et puis je reviens. À tout de suite. Hein. Autant dire une chimée. À tout de suite, Jean-Michel, les infos et puis le retour des enfants de cœur jusqu'à 10h30. Aussi résistante au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. David Godefroy, excellente matinée à tous. Ce matin, le temps est variable sur les régions du Nord-Ouest. Dans un premier temps, les averses seront plus rares ailleurs, mais les nuages sont plus nombreux et le vent reste sensible. Le risque d'averses gagnera l'ensemble du territoire dans le courant de l'après-midi. Les averses seront parfois ponctuées d'un coup de tonnerre. Les températures en baisse seront un peu fraîches pour la saison. 12 degrés sur les hauteurs ardennaises, 14 à 16 degrés sur le reste du pays. L'impression de fraîcheur sera renforcée par un vent assez fort, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Ce dimanche 2 octobre au Westland Shopping, vivez une journée d'aventure en famille grâce à nos super animations pour petits et grands. Château gonflable, air jump, clown, magicien et un délicieux goûter sucré feront de cette journée une vraie réussite. De plus, vos deux premières heures de parking vous seront offertes ce dimanche 2 octobre. Westland Shopping, une expérience shopping à vivre en famille. Ce dimanche 2 octobre de 11 à 19h. Infos et conditions sur westlandshopping.be. Ring West, sortie 14, accès facile. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Avec Engie Electrabel, vous vivez mieux l'énergie jour après jour. Même lorsque vous rentrez de vacances par un temps typiquement belge. J'ai froid. Ah oui, mais pourquoi t'as pas pris un manteau? Mais j'en avais pas besoin, Barcelone, de mon manteau. Ah oui. Bah donne-moi le smartphone, j'ai déjà mettre le chauffage à la maison. Oh, t'es chou. Ah. Augmenter votre chauffage à distance? C'est simple avec Box, le cerveau digital de votre maison. Découvrez maintenant les avantages uniques du pack Énergie plus Box sur box2x.be. Engie Electrabel. Vivons mieux l'énergie. Moi, j'aime les produits qui racontent une histoire. Il était une fois de savoureuses tomates en grains. Oui, une histoire, monsieur Marc. Elles étaient produites en Belgique, en respectant l'environnement. Elles venaient de la filière qualité Carrefour. Oh. Et ça finit comment? Bah, dans l'assiette. Oh, dans l'assiette. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, les tomates en grappe filière qualité Carrefour sont à seulement 1,19€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Bonne journée à toutes et tous, vous écoutez Vivacité, il est 10h. Le journal en compagnie de David Riffon. Bonjour à tous. Politique, le Parti Socialiste fait sa rentrée aujourd'hui. Le PS est réuni en congrès tous dimanche à Soigny, dans le Hainaut. Les socialistes doivent se redonner de l'élan et des idées, vu les sondages qui placent le PTB troisième parti dans le sud du pays. Le PS s'est grignoté progressivement sur son aile gauche. Si vous comptez faire quelques achats ce dimanche, voilà qui tombe bien, c'est la troisième édition du Sunday Shop Day. 5000 magasins ouvrent leurs portes dans plus de 300 villes et communes aujourd'hui. Une initiative de Comeos, la Fédération du commerce et des services en Belgique. Des magasins de vêtements, mais également du matériel de jardinage, des magasins d'électroménager et de décoration participent à cette action. L'annonce de la fermeture de Caterpillar, c'était il y a tout juste un mois, le 2 septembre. Le choc pour 2200 travailleurs du site Carolo et pour les milliers de sous-traitants de l'entreprise. Un mois plus tard, Hugues de Caluet est retourné sur le site pour prendre la température, pour savoir comment ces travailleurs ont vécu cette annonce choc, comment ils se sentent un mois plus tard et comment ils envisagent également les prochaines semaines et les suites de la procédure Renault. Hugues de Caluet a tendu son micro à Ivan Delpercio. Il travaille à Caterpillar depuis 19 ans et il est aujourd'hui président de la délégation syndicale. Hugues de Caluet a aussi rencontré Damien Rovinelli qui travaille lui à Gosselies depuis 10 ans. Depuis le 2 septembre, il y a pas mal de choses qui se sont décantées depuis, émotionnellement et aussi dans l'incompréhension. J'y vois un peu plus clair, mais le sentiment d'injustice, il est toujours là. Il est même amplifié, je vais vous dire. Ce qui s'est passé il y a 2 ans, on nous a imposé un plan de restructuration. Notre employeur nous avait promis que ça n'était pas une fermeture déguisée. On nous a imposé des objectifs que nous avons tous remplis. Malgré ça, on nous annonce une fermeture. C'est injuste. C'est injuste. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez des réunions, des assemblées. Comment les gens se comportent? Est-ce que c'est de la résignation, de la colère, de la détermination? Oui, il y a un peu de tout. Hein. Ça, c'est clair. Parce que vu le nombre de travailleurs qu'on est, chacun réagit différemment. Ce qu'on ressent chez les travailleurs, c'est qu'en tout cas, il y a une colère qui gronde. Il y a sur plusieurs points, sur l'attitude de la direction, déjà ça, et puis aussi sur peut-être l'impuissance politique aussi. Comment on peut laisser faire ce genre de choses? Ce qui a été bien expliqué aux travailleurs, c'est qu'on va utiliser cette période déjà pour comprendre les choses, avoir des explications, et par après voir la possibilité de déposer des alternatives. Des interviews signées Hugues de Caluet. Autre inquiétude, les travailleurs et les syndicats d'ING retiennent leur souffle. Un conseil d'entreprise extraordinaire est convoqué demain matin à 7h au siège d'ING Belgique à Bruxelles. Une restructuration majeure du groupe bancaire néerlandais est dans l'air. La Belgique ne sera pas épargnée. À la clé de probables lourdes pertes d'emplois et la mise sous franchise de certaines agences. En France, la première messe aujourd'hui depuis l'assassinat du curé Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie. Ce dimanche, 2 mois plus tard, une cérémonie va avoir lieu peu avant la messe pour purifier l'église profanée par l'acte terroriste. Le sport et le football tout d'abord, Standard, Anderlecht, le Classico, c'est l'affiche de ce dimanche. Les deux clubs s'affrontent à Sclessin à 18h, deux équipes qui affichent toutes les deux le même bilan, 15 points sur 24 après 8 rencontres. Mais lors des 4 derniers matchs, eh bien Anderlecht à chaque fois s'est incliné en bord de Meuse. Du côté du Standard, on a à cœur de continuer sur la série de victoires, comme l'explique Adrien Trébel. C'est vrai que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On enchaîne les victoires. À nous de continuer pour rester dans ce top 6. Comme je l'ai dit, nous, on essaye de grandir match après match. On se prend pas la tête, on travaille dur aux entraînements et le coach est là pour nous remettre en place si quelque chose ne va pas. Maintenant, moi, je me préoccupe pas trop d'Anderlecht, mais plutôt du Standard parce qu'aujourd'hui, c'est nos prestations qui comptent et pas celles de l'adversaire. Le milieu de terrain du Standard, Adrien, très bel propos recueilli par Thierry Luters. Ce match, c'est donc à suivre en direct sur Vivacité. C'était 18h, mais avant cela, il y aura une autre affiche, le derby de la Flandre entre le club de Bruges et la Gantoise. C'est à 14h30. À 20h, il y aura aussi Genk face à Malines. Hier soir, retour sur les résultats. Moucron a étrié Eupen un but à 4. Le Sporting de Charleroi est allé faire match nul un but partout à Zultwaregem. Lokeren Courtrai 2-1. Westerlo Waasland Beveren 1-0. Et puis en Formule 1, le Grand Prix de Malaisie est en cours. Lewis Hamilton est parti en pole position. À noter l'abandon de Sébastien Vettel juste après le départ. RTBF Mobile Info, David Godefroy. David, une voiture sur le toit sur la E42. Oui, à hauteur de Manage, le passage est donc difficile dans la bretelle de sortie en direction de Liège. Et puis accident sur la nationale 90 Mons-Liège. À hauteur de Moustier, la bande de droite est neutralisée. C'est au kilomètre 53.5 pour être précis, en direction de Liège. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h05 sur Vivacité, tout de suite les enfants de cœur. Merci David Riffon. Sans tarder, nous retournons au Kursaal de Momigny. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Le sommet de la compétition, de la course à la voile. Sur la Sambre. Mais nais-toi, la course à la voile, c'est quand t'insultes la femme d'un musulman et que tu te barres en courant. La course à la voile, quoi. Les enfants de cœur. C'est le retour des enfants de cœur depuis le Kursaal de Momigny. On est vraiment bien chez vous. Merci pour votre accueil. Merci en tous les cas à nos invités Steven et Christopher, les jumeaux, d'avoir fait une longue route pour partager ce moment avec nous. Et on peut les applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Un auditeur nous a envoyé une petite histoire drôle et il m'a demandé, pouvez-vous demander à Cody de la raconter? Pourquoi moi? Je sais pas. Peut-être qu'il a envie de se foutre de ma gueule. Alors, c'est Guy Clignet, il nous a envoyé cette petite blague. C'est Germaine et Léon, un couple d'agriculteurs retraités, veulent vendre leur ferme pour acheter une maison. Ils passent chez le notaire qui demande à Germaine, vous préfériez l'habitat rural ou l'habitat urbain? Oh, vous savez, à mon âge, l'habitat Léon me suffit largement. Voilà, je savais... Je savais que ça allait. Tu as raison, Cody. Oui. Après les infos de 10 heures, il faut remonter le niveau. Exactement. On ne pouvait pas faire mieux. Bon, les amis, la question mystère, elle est signée Dominique Watrin. En Angleterre, un musicien de 61 ans est mort, tué par sa cornemuse. Comment? Moi, je sais. Étouffé. Je sais. Moi aussi. Étouffé. Non. Il y avait un truc dans la cornemuse. Oui. Il y avait... Une guêpe. Non. Ah, oui, ça aurait pas pu. C'est pas bête comme idée. Il a aspiré un truc qui restait coincé dans sa gorge. Non, pas dans sa gorge. On souffle. Aspiré. C'est en jouant? C'est en jouant? Oui. Il a pas joué avec sa bouche? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je pose la question. C'est possible aussi. Il a joué avec sa bouche. D'accord. Donc ça il nous s'est asphyxié? Non, pas asphyxié. Il a avalé quelque chose? Indirectement. Indirectement, oui. Avec sa bouche. Un clou? Un clou dans la cornemuse. Un truc qui était dans la cornemuse? Oui. Vivant? Semi-vivant. Parce qu'en fait, la cornemuse est faite avec un espèce de... C'est pas du boyau ou... La panse de brebis. La panse de brebis? Une brebis. C'était une brebis galeuse? Galloise. Une galloise. En fait, il s'est trompé, il a soufflé dans une brebis vivante. On donne un coup de pied. Voilà, fin du chrono, le gang, la réponse, Dominique. Allez. Et bien simplement, il a joué pendant 40 ans avec la même cornemuse sans jamais la nettoyer. Et donc, il y avait des champignons qui avaient poussé à l'intérieur. Il a tout aspiré et il est mort de lésions pulmonaires. Pauvre homme. Belle histoire pour un dimanche matin. Oh, ça mélange bien. Rassurante et... Bon appétit à tous. Réconfortant. Beau message à donner à vous, mesdames, après un certain âge. Oh. Nettoyez, messieurs, parce que c'est... Lavez-vous la cornemuse. Oui. Maintenant que c'est fait, je cède la parole à Christophe Bourdon. Les enfants de cœur. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, il est grand le mystère de la foi. Ou, comme le dit si souvent le chanteur Renaud, il est grand le mystère de mon foie. C'est avec une profonde tristesse que nous sommes réunis en cette salle du Cursaal de Momigny pour rendre un dernier hommage à deux amis qui nous ont trop tôt quittés, Steven et Christopher. Steven et Christopher, peu de gens le savent, mais votre nom de famille est Demora. Demora, et dire que quand on vous a retrouvé écrasé au pied de l'immeuble, vous ressembliez à deux fricadelles. Ça, c'est une blague qui ne marche qu'en Belgique, je vous expliquerai après. Steven, dans la vie, tu as Demora, tu as démarré en étant journaliste à La Voix du Nord, journal de Lille, avant de te lancer dans une carrière d'humoriste. Et dire que tu aurais pu combiner les deux en travaillant la DH. Je ne connais pas ça. Non. La dernière heure. Vous connaissez, oui, parce que c'est le même groupe que La Voix du Nord, je pense. Christopher, toi, tu as fait des études de droit à Lille 2, où tu as obtenu un master professionnel en droit privé, études processuelles et juridictionnelles. Quel déconneur, ce Christopher. Steven et Christopher, je revois encore votre maman me raconter que 9 mois avant votre naissance, elle regarda la télé le film Twins avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, et me dire qu'il y avait sûrement un lien avec votre naissance. Et je revois encore votre père lui répondre « Enfin, tu es heureusement que tu n'avais pas regardé les sangs dans le mancien. » Steven et Christopher, des jumeaux qui, ironie de la vie, sont nés sous le signe des... Non, des capricornes. C'est pour ça que c'est ironique. Steven et Christopher, peu de gens arrivaient à vous différencier, alors que c'était pourtant si simple. Il suffisait de dire « Steven... » Et celui qui te répondait, ce n'était pas Christopher. Pas bête, hein? Oui, Steven et Christopher, votre marque de fabrique, c'était votre gemellité. Salam alaikum, bonjour, pas de problème. Je les pose là, c'est la petite table. Tu as le choix, petit sachet au citron, petit sachet à la menthe. Mais si tu veux, je peux aussi t'y préparer une petite infusion. Excusez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez, là. Ben, quoi, tu m'as dit gemellité, alors j'ai dit gemellité. Je t'ai mis les petits T là, voilà. D'accord, d'accord. Steven et Christopher, votre gemellité. Salam alaikum, encore bonjour. Je savais pas que tu faisais de la politique, toi. Hein, c'est bien ça, c'est très bien, c'est très bien. Non, excusez-moi, je ne fais pas de politique, monsieur. Allez, arrête. Tu viens de dire que tu étais militant. Mais non, je suis pas militant. Et si, tu viens de dire j'ai milité. Mais pour quel parti tu as milité? Steven et Christopher, une chose est sûre, mieux que les jeux de mots, il y a les jumeaux. Alors longue vie à vous et continuez de nous faire rire 2 fois plus que les autres. Merci. Merci beaucoup Christophe Bourdon. L'oraison funèbre de Steven et Christopher, les jumeaux. Petite pause, Jean-Michel de Benoze arrive. Pour écrire aux enfants de cœur, notre adresse, c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Ah, bonjour madame, je vous attendais. Entrez. Non, merci, ça va. Comment ça, vous voulez pas visiter l'appartement? Ah non, moi je voudrais juste un peu de farine. Hein? Mais je suis votre voisine du premier. Ah ben merci, sympa. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est... Krefel Bordel. Profitez-en maintenant, Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Vivacité présente... Le respect, c'est remettre les homards en perspective. Je pense que c'est du n'importe quoi ce que vous venez de dire. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté... Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La. En En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Eh, hey, sur la tige. Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme le tartare de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Charlie Dupont, vu que vous êtes en couple dans la vie et sur scène, est-ce que ça vous arrive parfois de confondre les deux? Donc genre d'attendre les trois coups le matin avant de se lever? Je donne généralement les trois coups avant de me lever. Est-ce qu'il y a des rappels? Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Ah, c'est un bon souvenir également, un formidable comédien que Charlie Dupont qui était avec nous à Wépion il y a une semaine. Nous sommes aujourd'hui à la frontière française dans une très belle région avec un formidable public, celui de Momigny. Yes. Et quel plaisir d'accueillir Steven et Christopher, les jumeaux. Et c'est vrai que personne n'a oublié vos prestations chez Laurent Ruquier dans On ne demande qu'à en rire. 56 passages, c'est costaud ça. On a fait deux saisons et demie, ouais, 56 passages, et, bah, dont trois prime time et pas mal de sketchs collectifs aussi. Ouais. Dans vos spectacles, puisque c'est le quantième que vous allez jouer là maintenant, au moins le quatrième, non? En fait, c'est le quatrième. Ouais, c'est le quatrième. Ouais. Est-ce qu'il y a une part d'impro? Oui, mais même avant, dans l'écriture, on se permet toujours de mettre dans le spectacle, on pense qu'on a 20% d'improvisation pure. On va faire l'interaction avec le public, donc pour ça de toute façon on sait jamais sur qui tu peux tomber, tu peux toujours tomber sur une Brigitte et du coup tu dois réagir en fonction de ça, donc on a 20% d'impro et après il y a toujours de l'impro qui tombe comme ça dans une soirée et après si c'est bon on garde, si c'est pas bon on jette, mais l'impro c'est important pour nous. Ouais. Est-ce que vous écrivez à deux ou ça arrive d'écrire des sketchs séparément? On écrit souvent à deux quand même. Il y a certains sketchs qui ont été un peu plus écrits par l'un que par l'autre, mais en général. Les plus drôles en général sont de Christopher. Voilà. Non, du intelligent de Steven. Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est parti comment finalement ce rapport entre vous deux? Comme il a dit justement, les couilles de mon père en fait. Ah, tu parles de la carrière, pardon. Pardon, Steven. On s'est un petit peu fondu dans le moule, j'ai envie de dire. On peut le dire. Je parlais de l'émission là. Alors, du coup, tu disais. Et en fait, on a été repéré sur une pièce de théâtre en amateur à l'époque. Et un metteur en scène nous a repéré, nous a dit des jumeaux sur scène, ça pourrait être intéressant. Ça n'existe pas. Il y a personne, à part les frères Bogdanov, mais qui sont pas super drôles non plus. Ou alors, ils le font pas exprès. Et du coup, lancez-vous. Et on s'est lancé il y a 5 ans maintenant. On a fait des scènes ouvertes à Lille, chez nous au début. On a fait Ruquier 6 mois après. Et après, c'est parti d'un coup. Ouais. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on vit ça. Et c'est génial. Parce que comme votre père, c'est parti d'un coup. Alors, pour lui, celui qui arrive en tous les cas, il n'a pas de jumeaux. Et non, et il vaut mieux comme ça. Il est très bien seul. Ouais. Jean-Michel de Bénezet. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis comme la nature m'a fait. Belle la du terrophène, moi qui. Il n'a pas de jumeaux, mais il a souvent triplé. J'ai failli courir. Non, je viens de remarquer un truc. Il n'y a que moi qui dois voir des trucs ici. En coulisses d'où je viens, là, il y a une toilette. Hein. D'habitude, quand c'est rouge, c'est occupé. Quand c'est blanc, c'est libre. Eh bien, là, c'est l'inverse. Je me sens bien ici, moi. Oh, hein. Oh là là, non, c'est parce que... Moi, je ne sais pas, enfin, des fois, hein. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Sauf sur moi. Je vous explique. Parce que, attention, moi je sais bien, je ne suis pas fini. Ça c'est comme ça. Je le sais, je suis au courant. Mais attention, je fais quand même des trucs que les autres ne font pas. Je sais nettoyer, vider des trucs, tout le monde ne fait pas. J'hypnotise des poules, tout le monde ne fait pas. Ça. Vous voyez? Mais des fois, il y a des gens qui me prennent pour une bièce. Il y avait une publicité, c'était sur du beurre. Et ils expliquaient... Non, c'est pas sale, hein, moi je ne fais pas au-dessous de la ceinture, moi. Hein. Mais ils expliquaient que si on mangeait ce beurre-là, on diminuait son cholestérol. Donc le type qui n'a jamais mangé de beurre de sa vie, On lui dit, tu dois bouffer du beurre pour diminuer ton cholestérol, hein. Dites, on va toucher le faux un jour. Hein. Parce que j'imagine le type, moi, il est dans sa cuisine. Il est en train de se faire sa tartine parce que, pour une fois, il est levé un peu avant sa femme. Peut-être qu'elle a été au lit plus tard la veille parce qu'elle avait encore un peu de repassage ou qu'elle ne voulait pas aller au lit en même temps que lui parce qu'il voulait faire des choses et pas elle, quoi. Donc, ça arrive hein, dans les vies de couple, hein. Chez moi aussi, hein, des fois, le mardi, quand mon ami vient, j'ai pas envie. Mais moi, si je dis non, je suis reparti pour 8 jours. C'est ça le problème. Alors, je me force. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour l'harmonie de son couple, hein, quand même? Et l'homme, il est en train de se faire sa tartine. Et la femme arrive, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Donc, ben, tu vois bien, je déjeune. Et depuis quand est-ce que tu mets du beurre? Tu n'en mettais jamais. Ah, mais c'est pour faire diminuer mon cholestérol. Dites la femme, elle va se dire, ça y est, il y a mon mari qui est sur la pente descendante. Hein. Il a les fils qui se touchent. Je chanterai vite la veuve joyeuse. Hein. Elle va appeler le 112, elle va le faire mettre chez les dègues. Hein. Non, moi je dis, ne réfléchissent pas quand ils font des publicités à tous les problèmes qu'ils créent dans les couples et tout ça, avec tout ça pour vendre leur beurre. Notez que je ne vois pas pourquoi je m'énerve, parce que moi je mange de la margarine de toute façon. Mais enfin, moi quand je peux aider, là, parce que à Momini ou ailleurs, là, tant qu'on n'est pas en France, qu'on n'a pas passé la frontière, il a quand même tout dit que ça quoi qu'il ne va n'est. Hein. Jean-Michel, juste après la pause, le feuilleton Les Baraquis avec Steven et Christopher, les jumeaux. Retrouvez les enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be. Électro, dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Électro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? Nos sections internes écologiques et nos camions toujours remplis entraînent des économies. Découvrez comment vous en profitez sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro Eddy Merckx. Électro, dépôt. Moi, j'aime les fruits croquants. Oh, ça tombe bien, les pommelles Star Belge de la nouvelle récolte sont ultra croquantes. Non, oui, monsieur Marc, est tellement savoureuse que je craque. Mais enfin, petit, du calme. Mais même son prix est à craquer, monsieur Marc. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, les pommes Elstar nouvelle récolte en vrac sont à seulement 1,19€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité présente. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est rien. Oh, tu jettes les feuilles des carottes? Non, mais ça va pas. C'est parce que je pense. Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Ce sosie de Johnny travaille dans une grande surface et il est très heureux de travailler dans ce rayon-là. Quel rayon? Les CD? Pâtes! L'alcool! Des pâtes et du riz! Oh, il aurait pu aller au rayon fromage, Johnny aime bien le roquefort. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Dernière ligne droite depuis le Kursaal de Momini. Dans quelques instants, le feuilleton, les baraquis. Mais laissez-moi d'abord vous présenter les prochains enregistrements des Enfants de Cœur. Le 11 octobre, à Visée, salle des Tréteaux, avec Ophélie Fontana, notre collègue du journal télévisé. Wow. Et Philippe Reinhardt. Comment dis-tu, Cody? Wow. Oui. 0-400-95-36-38-39 pour les réservations. Et puis, le 25 octobre, à Comines. Est-ce que je peux faire un petit peu de promo? Un instant, si tu veux bien. À Comines, à l'Institut Saint-Henri, avec Yann Lambiel, Fabien Le Castel, wow, et Ismaël Saïdi. Oh. Les réservations au 056-56-00-60. Là, mon cher Cody, on a tout le temps que tu veux. Ah, voilà. Alors, je suis en spectacle avec mon spectacle à vendre, Cody à vendre, demain, les 3 et les 4, à la Comédie Centrale de Charleroi. Puis le 6 octobre, un spectacle pour la chaîne de l'Espoir, qui est une assoce qui envoie des médecins bénévolement faire des opérations en Afrique, notamment au Congo. On fait un spectacle qui s'appelle La chaîne de l'humour avec Pablo Andrés, Bruno Coppens, Guillermo Guise et puis des surprises. Donc ça, c'est au Théâtre Molière le 6 octobre à 20h30. Il reste quelques places, allez-y. Voilà, et tant qu'à parler des amis et des collègues, Freddy Tougo vient de sortir un chouette petit livre, oui, au Cactus Inébranlable. Ce sont des petites pensées à la Freddy Tougo. Par exemple, je me suis levé avec une haleine d'épagneul, je ne dormirai plus jamais en chien de fusil. Elle est mignonne, hein ? Elle est mignonne. Ridicule, les donneurs de leçons disent « L'alcoolisme, c'est le début de la faim », alors qu'en fait, c'est le début de la soif. Freddy Tougo, il a fait une chanson qui s'appelle « Ça va d'aller ». Allez voir sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Le livre donne envie, en tout cas. Oui. Voici donc les Baraki, James Linos et Kevin Josiane, la maman Baraki, Dominique Watrin, Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josiane et Cody, c'est Kevin Bryan, le fils Baraki. Aujourd'hui, avec Steven et Christopher, les jumeaux, les Baraki sont à un spectacle de magie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand spectacle de magie. Je m'appelle Steven et voici ma jolie assistante, Laetitia. Dis bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Voilà. Alors, elle est jolie, mais elle est un peu conne. Alors, ce soir, je vais donc avoir le plaisir de faire devant vous des tours de magie. Je dis, tu vas tourner autour de Maggie de Bloch ? T'es un sportif, toi ? Ouais, moi, avec ma mobilette, je consomme moins d'essence à faire un tour du bloc qu'un tour de deux blocs. Ah, j'ai rien compris. Ouais, ben bah, ça, c'est normal. Bon, alors, écoutez, moi, je fais de la magie, hein, des illusions. Vous connaissez les illusions ? Oui, c'est ce que mon Kevin Oufti se fait tous les soirs au lit, tiens. Ah bah, je vous comprends. Non, ça m'étonnerait, t'es pas équipé pour... Ah si, je les comprends, hein. Mon Steven, vous savez ce qu'il a fait à notre premier rendez-vous ? Il est pas venu. Ah, salaud ! Bah quoi, je suis magicien, je t'ai posé un lapin. Ouais, bah c'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire les limaces, hein. Voilà. Alors, elle est jolie, mais elle est conne. Alors bien, mesdames et messieurs, pour mon premier tour, je vais avoir besoin d'une volontaire. Alors attention, je vais la faire disparaître. Prends Kevin Josiane ! Ouais ! Mais je vous rassure, après, je la fais réapparaître, hein. Hein ah. Non. Bah non, alors, non. T'es grand, t'aurais pas plutôt un tour où ce que tu coupes une femme en deux avec une scie? Ah ouais, là tu peux prendre Kevin Josiane, elle est super sciante. Oui, oui, bah je peux faire ça si vous voulez. Hein. Ah bah ouais qu'on veut, hein. Et coupe-la dans le sens de la longueur, hein, ce sera moins crevant pour toi. Ouais, et comme ça j'aurai enfin une bonne raison de dire que c'est ma moitié. Bon, je vais faire autre chose, là, vous m'énervez un peu, là. Oh oui, vous êtes vraiment énervant, hein. Moi, je suis au bout de la roulette. Voilà, elle est jolie, mais elle est conne. Bien, alors, mesdames et messieurs, pour mon tour suivant, je vais avoir besoin de ma baguette, hein. Elle est où, ma baguette, hein? Bon, je suis en train de la manger. Dis, elle est pas du jour? Ouais, je l'ai goûtée, elle est toute dure. Moi, ça, c'est bien une phrase que tu m'entendras jamais dire. Bon. Mais c'est pas possible, ça. Bon, ok. Je vais faire à présent un tour très impressionnant. Je vais m'allonger sur cette table et je vais l'éviter. Ben quoi ? C'est impressionnant, hein, gros ? Je fais pareil tous les soirs. Je me couche dans le lit, Kevin Josiane me rejoint et je fais tout pour l'éviter. Mais c'est pas possible. Bon, autre tour. Je prends ce foulard là. Je le cache sous ce gobelet. Attention, 1, 2, 3 et hop ! Le foulard a disparu. Bah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Gobelet fait toujours disparaître des vêtements. Surtout quand il y a Raymond. Il m'énerve. Allez, je vais faire un dernier tour. Il y a rien dans mon chapeau, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a rien du tout. Hein. Et attention, Laetitia, prononcez la phrase magique. D'accord, s'il vous plaît. Voilà, elle est jolie, mais elle est conne. La phrase magique, c'est hocus pocus. Ah, d'accord. Mon cul faux cul. Elle est jolie, mais elle est conne. Alors, 1, 2, 3, et hop! Une colombe! Non, t'es de chance, Kevin Bryan! Vas-y! Ah, mais c'est sympa, non? Mais vous avez tué ma colombe! Ils ont tué la colombe? Bah ouais, mais ça nous fera notre souper, hein! Ouais, on a plus qu'à tuer une boîte de petits pois maintenant! Mais ma colombe! Oh. Mais quoi? Comme ça, ta colombe, elle te foutra la paix! Ils ont tué ma colombe! Oh. En tout cas, j'ai rarement vu des gens aussi bas, hein! Ça, c'est normal, on est bas, on est ras, on est qui? Merci à tous! Merci Steven et Christopher. Vous n'avez pas tout à fait terminé. On va se quitter avec une petite chanson qui mettra en présence Nicolas et Carla. Wow. Laissez-moi quand même remercier d'abord le public de Momini, formidable. Dimanche prochain, notre invité, scénariste et dessinateur de bande dessinée, nous aurons Dany à votre place pour 1h30 avec les enfants de cœur. Il y avait ce matin, parmi les chroniqueurs, Cody. Merci à tous, bon dimanche. À la semaine prochaine. Game Dino. Bon Christophe Bourdon. Bon dimanche. Dominique Watrin. Excellent dimanche à tous. Et aux commandes de l'émission, Jean-Jacques Brunin. Ouais. Merci à vous. Thomas Lorinest, ces années-là. On va donc se quitter en chanson. Ils le font sur scène et c'est un moment de régal pur. Voici Steven et Christopher. On me dit que les socialistes ne valent pas grand-chose. Ils fanent en un instant, comme fanent les roses. On m'a dit que Hollande relancerait la croissance. La seule chose qu'il relance, c'est la taille de sa panse. Pourtant, quelqu'un a dit, le changement, c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui l'a dit, le